Ouais, le deuxième sac va être compliqué, on le sait pour plein de raisons. Mais effectivement, le motovol mérite de vivre au plus haut niveau monteux et on espère que ça va continuer. Je pense notamment à des mecs comme Alain Empereur, pour ne pas le citer, mais qui a un travail phénoménal. Et puis qui est un petit peu, voilà, qui est lui aussi un petit peu là, comme beaucoup de dirigeants, hein, qui sont un petit peu là et qui aimeraient qu'on leur fie un petit coup de main. Et puis on va parler bien sûr d'un personnage, puisqu'on parlait d'ailleurs de l'élite 2, ils ont joué ce week-end, c'est surtout Thierry Lafond, l'entraîneur de ces Jaguars de Monteux, qui était venu dans ses studios. Il avait dit, cette année on va gagner quelque chose, peut-être deux titres. Eh bien, il en a gagné qu'un, mais il a gagné le plus beau, champion de France. Jamais dans l'histoire des Jaguars de Monteux c'était arrivé. Thierry Lafond est parti à cause d'une finale ratée. Il ne faut pas avoir honte par des gens imbéciles. Et excusez-moi du propos que je vais dire ce soir, mais je ne citerai personne. Et puis... On ne va pas lui faire de la pub. Hein. Non. Et puis Thierry Lafond a rebondi ailleurs. J'aurais aimé qu'il rebondisse en Monteux. Ça aurait été peut-être trop lui demander parce qu'il en avait trop au fond de son cœur, parce qu'il aime ce sport. Il adore le motoball. Et ça nous a fait très plaisir de l'avoir à ton micro. Je vous propose d'écouter Thierry Lafond avec Jean-Yves. L'ancien entraîneur de Monteux et aujourd'hui à Robion. Thierry, donne-nous un petit peu de tes nouvelles. Ben, ça va, j'entraîne une équipe de jeunes à Robion. Ben, pour le moment, ça se passe super bien. Bon, après, on travaille bien, ça bosse, beaucoup de motivation. Voilà, mais là, aujourd'hui, j'ai pris du plaisir à revenir voir mes potes sur Monteux. Première fois que je reviens, ça fait plaisir aussi. Mais c'est bien, on est tous passionnés, on lâche rien. Qu'est-ce que tu vas passer du match de ce soir, Thierry? Je pense que mes anciens collègues méritaient mieux. Ils ne sont pas assez payés par rapport à ce qu'ils ont fait. Et c'est dommage parce qu'ils méritaient de gagner, je pense, ce soir. On a vu une bonne équipe de Monteux et Neuville, je les ai trouvés un peu dedans. Mais voilà, je pense que Monteux méritait mieux. Les ambitions alors de Robion maintenant pour la saison qui arrive là, puisque ça s'est plutôt bien passé jusqu'à maintenant. Ouais, ça se passe super bien. J'attends justement d'avoir des gros matchs pour voir les garçons jusqu'où ils sont capables d'aller. Pour le moment, ça bosse, mais je me languis d'avoir des gros matchs pour voir ce que les garçons ont dans le ventre. Et après, si vraiment ils sont motivés, qu'ils ont vraiment envie, je pense qu'on peut faire un peu génial. Est-ce que tu peux envisager la montée dès cette année? Moi, je pense que sur ce que je vois, je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa. Après, il va y avoir un tiercé, Saint-Georges, Valréas, Robion. On va voir l'ordre. Hein. Moi, j'aime bien avoir le tiercé dans le bon ordre, alors on verra. Hein. Voilà, c'était sympa. Hein. On entend Thierry Lafond toujours autant déterminé par le problème qui est le sien, la compétition et les titres, le savoir-faire, l'envie de gagner, faire partager des moments exceptionnels quand c'est une montée, quand c'est un titre, quand c'est quelque chose de valorisant pour ce sport. C'est un personnage très apprécié de ma part. Thierry, tu l'as dit, Fred, c'est un mec fantastique. Il a deux qualités extraordinaires. D'abord, il aime ça le sport, c'est un technicien hors pair. Et puis, d'après moi, la qualité qui manque à certains, et qui fait la différence entre un entraîneur et un très bon entraîneur, c'est le charisme. C'est le fait que tu peux écouter Thierry pendant une heure, il va te régaler tout le temps, et puis au bout d'un moment, eh bien, tu vas avoir qu'une envie, c'est de partir avec lui à la guerre, faire la guerre, aller au bout du monde avec lui. Et c'est ce qu'il avait transmis à ses joueurs à Monteux. Et c'est juste ce qu'il est en train de faire à Robion, avec les résultats qu'on connaît. Hein. Il a pris une équipe qui n'existait plus la saison dernière, qui avait été en grande difficulté. Et puis voilà, bon an, voilà, il est deuxième, troisième de son championnat d'élite 2. Et puis comme c'est Thierry Lafond, et bien, au lieu d'être content d'être troisième de ce championnat, bien, non, il a envie d'envisager la montée et pourquoi pas une titre. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre, Jean-Yves, et bien voilà, on en a terminé pour le motoball, et on tiendra au courant un petit peu la semaine prochaine. Des matchs, est-ce que tu as derrière les futures rencontres? Non, Fred, j'ai pas plus de rencontres que ça. Je sais, il me semble que Valréas a gagné par forfait, sur le score de 3-0, du coup, mais je me rappelle absolument plus contre qui, tu sais, je suis un peu loin de... Oui, mais je vais juste te rassurer, c'était Vitré tout à l'heure. J'ai juste dit que le score exact de ce match, qui a été un match amical tout compte fait, arrangé bien sûr, par les deux équipes pour pouvoir jouer quand même un match de motoball. 9 à 2 pour Valréas, mais bien sûr le forfait c'est 3-0 le score, on va dire, officiel. Et dans ce match, Teddy Macho a marqué 5 buts. Ça a été l'homme du match. Ah ben voilà, c'est au moment où ça a coupé, je suis désolé. Voilà. Jean-Yves, merci. On te souhaite. Je vais être obligé de te laisser puisqu'on m'attend pour une réunion tardive. À très bientôt les amis. Bonne continuation. Ouais, merci beaucoup Jean-Yves. On espère te retrouver la semaine prochaine, toujours aussi loin de nous, mais peut-être pour la dernière émission. Hein, on va voir. Peut-être ça sera la dernière ou l'avant-dernière. Mais Top Chrono va prendre un petit peu des vacances dans quelques semaines puisque l'été nous appelle à rester sur la plage et bronzer. C'est pas ça Jean-Yves? Écoute, ça, tu sais, je suis au fond de la montagne. Alors question plage et bronzette, je t'en reparlerai quand même. Très très bien. Sachez que ce week-end quand même il y a la foire aux chevaux de Bellaride et c'est le jeudi de l'ascension et ça va démarrer à partir de 9h puisqu'il y aura plein d'animations dans le village. Voilà pour la touche pub pour la foire aux chevaux de Bellaride. Continuons avec du handball. Bye bye Jean-Yves, à bientôt. Ciao. Top chrono handball. Allez, on est venu avec le handball, la Nationale 3. Ah, ces filles de Mazan, elles avaient le sourire, puisqu'elles ont battu ces filles d'Ajaccio. Malheureusement, le score est assez lourd, car elles sont déterminées à vouloir leur qualification. C'est fait, le long en poche. On est très heureux pour Carlo Vincenzo, pour Pascal Vassé, pour ce club qu'on suit maintenant depuis 9 ans et qui a fait le yo-yo entre la pré-nationale et la nationale 3. Aujourd'hui, aux portes de la nationale 2, parce que le groupe a grandi, parce que la maturité de cette équipe est à point, c'est-à-dire que les joueuses qui sont impliquées dans ce projet sportif répondent présent par aussi tout le travail qui est fait en amont par les entraîneurs et surtout par cette équipe dirigeante de Mazan qui prend soin de ne rien oublier, aucun détail est mis de côté dans ce groupe, et surtout sur la formation de toutes les équipes qui jouent en ligue et qui font, on va dire, du bonheur à cette ville de Mazan, car le handball est pratiquement le sport numéro un dans la ville de Mazan, dans ce petit village au perché, on va dire au fin fond, au coin du Mont Ventoux, pas très haut non plus. Mais on va voir Carl Vincenzo, on va voir un petit peu comment on va se passer. Et on me dit qu'il y a la pub juste avant. Allez, il est 19h09 et on passe déjà la pub.